tu es le bienvenu aujourd'hui et bien dans la bulle. Tu nous écoutes sur Radio Gémozo 107 FM et avec nous aujourd'hui Lolita Aletti. Lolita, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah ça va, et vous-même? Ça va très bien. Alors vous êtes la présidente de l'association Protect Réa. Tout à fait. Alors, une association de défense et de protection des animaux de toute espèce installée au TIO. Depuis quand existe cette association? Alors ça a été créé le 11 mai 2016. Donc on a passé les 3 ans, on va sur les 4 ans là. Ah oui, d'accord, ok. Par quelle initiative a vu le jour cette association? Par passion des animaux dans un premier temps. Et, par manque de moyens dans le secteur, parce qu'à part la FPA de Bourvelieure, il n'y avait pas beaucoup d'associations à la création. Donc voilà. Qui a décidé de monter cette association? Donc j'imagine vous-même, est-ce qu'il y avait d'autres personnes investies à vos côtés? Oui, c'était des amis, proches ou connaissances, et puis au fur et à mesure, celles-ci n'ont pas forcément continué le projet. D'accord. Une autre partie est restée... Elle est fidèle. Ouf. Voilà. Alors, combien vous êtes de bénévoles et d'investis au sein de cette association? Alors, actuellement, on est 7. Donc, ça paraît peu, mais on est réactif quand même. D'accord. J'imagine que si certaines personnes qui nous écoutent ont envie de s'investir avec vous en tant que bénévole, c'est possible? Oh oui, bien sûr. Oh oui, on est en recherche, il n'y a pas de souci. Eh bien, voilà. Alors, quel est le rôle de cette association? Le rôle premier, c'est prendre en charge les animaux qui sont dans le besoin. Donc, que ce soit en cas d'errance, essentiellement les chats, divagation, abandon, surtout en cette période. Bon là, ça s'est calmé, mais voilà. Toujours des gros problèmes d'abandon pendant les vacances d'été, c'est toujours d'actualité C'est une catastrophe. Puis les cas de prolifération, on est surbooké, que ce soit les SPA, les associations, là c'est une catastrophe. D'accord. C'est un fléau. Donc les objectifs et les actions de l'association Protect Réa, quelles sont-elles? Les objectifs, c'est essentiellement la stérilisation, le suivi des animaux sur les différentes communes du secteur qu'on intervient. Donc nous, on s'occupe essentiellement des Hautes-Vosges, d'accord. Donc Remiremont, Bussang, Gérardmer, on ne fait pas à côté Haute-Saône. Et essayer de réguler, je reviens encore aux chats, mais c'est le plus grand fléau des associations, parce qu'il y a un manque de responsabilisation des gens. D'accord. Clairement, c'est tout mignon au début, c'est chaton, et puis quand ça grandit, il n'y a pas de responsabilisation, que ce soit vaccin, identification, alors que c'est une obligation à l'heure actuelle, et puis la stérilisation. Et c'est quoi le risque de ne pas faire vacciner son chat? Qu'est-ce qui se passe? Alors nous, on est face à la maladie pratiquement tous les jours, donc que ce soit le coryza, le typhus, il y a un manque d'informations, les gens n'ont pas conscience de l'importance de la vaccination. Oui. Il y a différentes maladies... plus ou moins mortel à long terme s'il n'y a pas de soins. D'accord. Que ce soit le coryza, typhus, il y a le chat qui n'est pas connu aussi, la leucose. C'est des maladies peu communes. D'accord, ok. Si on n'est pas à titre associatif et en tant que particulier, on n'a pas conscience de tout ça. Comment faire pour sensibiliser les gens? Il y a des actions qui peuvent être faites pour leur expliquer un petit peu à ces gens qu'il faut faire ça? Voilà, nous, par exemple, en récolte de dons ou différentes manifestations, on explique aux gens l'importance de tout ça. Oui. Après, c'est aussi en forme de flyer qu'on a fait un peu de communication. D'accord. Donc, d'où l'importance de stériliser et surtout vacciner son animal avec les différentes maladies, comment se déclarer, les suivis à faire. On essaie d'informer au maximum les gens quand ils sont face à nous, parce que on a beau mettre sur les réseaux sociaux... les gens voient ce qu'ils veulent, malheureusement. Donc la stérilisation, c'est aussi très important parce que forcément, autrement, les chats surtout se reproduisent et puis après, ça fait des chats errants ou abandonnés. Voilà, et puis des chats sauvages aussi, donc qui n'ont pas forcément le contact humain. D'accord. Dès la naissance. Donc ils retournent à l'état sauvage et pour les trapper par la suite, ça devient vite compliqué. On est face à des petits tigres. Ah oui. ils sont pas vraiment sympathiques, mais pour leur bien-être, on essaie de trapper quand même et de les stériliser et les remettre à l'état de chat libre. D'accord. Donc ils sont où ils ont été trouvés pour pas trop les perturber, ils connaissent les lieux, voilà. Ok. Donc vous intervenez auprès d'animaux domestiques, mais aussi sauvages? Alors non. Pour les cas d'animaux sauvages, il faut un permis de détention. D'accord. Déjà en tant que particulier. Ok. Et faut avoir des déclarations au niveau des préfectures. C'est un long processus et il faut énormément de connaissances aussi. Déjà au niveau animalier domestique, c'est pas évident. Oui. On est face toujours à des nouveaux problèmes, même les fois ils ont des petits couacs, ils savent pas trop ce que c'est. Mais non, malheureusement, voilà. Ok. On n'est pas comme des structures type la LPO, voilà. D'accord. Donc, les actions de l'association Protectorea, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour aider tous ces animaux? Le maximum qu'on puisse faire, c'est les stérilisations de quartier. Oui. Bon, après, à voir aussi avec les mairies, parce que malheureusement, l'association ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, seulement. Oui. Mais c'est vrai que voilà, le maximum qu'on puisse faire, c'est les stérilisations de quartier. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, l'information et la communication sur l'importance de la stérilisation et la vaccination. Voilà, on essaie de faire au mieux. Pour apporter justement un peu d'argent pour faire les stérilisations, on fait des ventes de bulbes, par exemple, D'accord. des ventes de chocolat. Voilà, on essaye de faire un roulement, on essaye de rentrer de l'argent pour justement intervenir sur différents cas. Ok. Est-ce qu'il vous arrive de recueillir des animaux? Oui, bien sûr, surtout en cette période. Oui. Pas forcément en très bon état. Par exemple, lundi de cette semaine, on a eu le cas d'une chatte qui était accidentée par un véhicule. Donc, bassin décalé, elle a eu aussi un choc au niveau de la tête, enfin, c'est, voilà. Et malheureusement, elle n'a pas survécu, mais on lui a fait 3 jours d'hospitalisation. On a des cas assez extrêmes quand même. D'accord. Comment ça se passe, une hospitalisation pour un animal que vous recueillez? Ça dépend du cas. Là, par exemple, elle a été hospitalisée et mise en, en surveillance. Oui. Donc, elle est restée de lundi à mercredi, et malheureusement, mercredi, elle nous a quittés. Oui. Mais... Après, ça dépend du cas. Par exemple, on a eu aussi un chat d'une prolifération et qui était dû à une consanguinité, enfin qui avait été né sous consanguinité et il a eu la maladie des os de verre. Donc là, c'est une hospitalisation beaucoup plus longue, un suivi, un bilan sanguin. On a eu un bilan sanguin qu'on a envoyé sur Brest pour avoir les résultats finaux et pour dire que le calcium ne s'attachait pas sur les os et malheureusement, on aurait pu remuer ciel et terre, l'animal n'aurait pas survécu. D'accord. Il n'avait que 3 mois. Aïe. Voilà. C'est des cas différents. L'hospitalisation peut être assez rapide. Oui. Si c'est une fracture, on met une broche. On s'adapte à l'animal. Ça dépend de l'âge, du gabarit aussi. Parce que ça peut être un gros matou, mais avec plusieurs fractures, par exemple. Comme un chaton, avec le bassin décalé, il n'y a pas d'hospitalisation à faire en soi, oui. Enfin d'opération en soi. J'imagine que ça doit être très difficile pour vous de recueillir des animaux, de voir toute cette souffrance et que certaines personnes ne se sentent pas concernées par tout ça. Voilà, tout à fait. On se sent vite démunis. Parfois, on n'a pas forcément le soutien aussi qu'on souhaiterait. Les gens sont tout de suite dans la critique. Puis, on travaille énormément avec les réseaux sociaux et les mauvaises langues, malheureusement, ça va vite. Oui, oui. On a beau essayer de faire, certaines personnes disent on n'est pas pour l'acharnement, alors que nous non plus. Mais quand on voit qu'il y a un espoir pour l'animal, on fait de notre mieux et voilà. Mais oui. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a énormément de personnes qui nous soutiennent, mais il y a l'autre côté aussi et c'est vraiment dur. Mais oui. De voir toute cette souffrance et puis de pas avoir les paroles adéquates. Il faut prendre en cause et en connaissance la souffrance de l'animal au même titre que la souffrance humaine. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas aidé. Oui. Voilà. Exactement. Voilà. Puis malheureusement, ils parlent pas. Donc, quand il y a un bobo, ils prennent leur souffrance en silence et on doit tout faire pour déceler le problème. Puis essayer de mettre le traitement adéquat. Mais voilà. Pas toujours facile. Beaucoup plus courageux. Ben oui, c'est sûr. Quand on parle d'hospitalisation, où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans un refuge que vous avez chez vous ou alors en partenariat avec un cabinet de vétérinaire? Oui, voilà, on est en partenariat avec la clinique des Grands Champs à Vanier. D'accord. Donc, ils sont 3 vétérinaires. Là, il y a un 4e qui vient d'arriver. Ils sont super. Il y a toujours un roulement. Voilà, les 3 vétérinaires, ils nous suivent énormément. Les cas, ils les suivent aussi. Voilà, les hospitalisations, s'ils doivent être gardés, ils restent à la clinique. On a des suivis même à minuit, 1h du matin, ils nous envoient des nouvelles. Ah oui. Voilà, ouais. D'accord. Donc nous, on n'est pas comme la SPA, avoir une structure, malheureusement. C'est un projet à long terme. Oui. Mais pour le moment, les animaux sont recueillis à la maison. Donc s'il y a des soins bénins, on les fait à la maison. Et s'il y a vraiment perfusion, lampe chauffante, les choses comme ça, les gros suivis, oui. Ils restent à la clinique. D'accord. Ils ont tout de suite accepté de collaborer avec vous, ces vétérinaires? Oui, tout à fait. Oui, parce que moi, personnellement, j'avais effectué des stages là-bas. Parce que mon projet à côté de l'association, c'était être auxiliaire vétérinaire. D'accord. Et donc, j'avais fait des stages là-bas. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai parlé du projet. Et ils étaient pour. Et voilà, on a lancé la convention et puis depuis, on ne se lâche plus. Oui, vous avez bien raison. Heureusement que vous êtes là pour les aider, tous ces animaux. Alors, on a parlé des chats. Quels sont les autres animaux auxquels vous portez secours ? Alors, les chiens, donc c'est essentiellement des abandons, malheureusement. Oui. Des personnes qui sont hospitalisées, qui partent en maison de retraite, voilà, différents cas où, malheureusement, bah, y a un déménagement. Voilà, différentes situations, donc pareil, on s'adapte. Oui. Et aussi les nouveaux animaux de compagnie, donc tout ce qui est lapin nain, cochon d'Inde, les furets, tous ces types d'animaux qui sont récemment dans nos foyers. D'accord, pourquoi ? Parce qu'ils se font abandonner eux aussi ? Oui, on a eu le cas de deux lapins, donc malheureusement la personne ne pouvait plus subvenir aux besoins des animaux, donc ils nous les ont confiés. Et voilà, c'est le même processus que pour les chats ou les chiens, on fait des suivis vétérinaires, bon bah il y a un peu plus de soins, par exemple le coupe-griffe, l'image de dents, voilà, des soins propres à l'animal. Oui. Et puis pareil, on les propose à l'adoption et on leur trouve un super foyer. Bah, voilà, c'est le même principe. Heureusement, et puis on a envie de dire à nos auditeurs, réfléchissez bien avant de prendre en charge un animal, parce que voilà, ça coûte de l'argent, et pour éviter d'en arriver à des extrêmes comme l'abandon, il vaut mieux réfléchir vraiment et se rendre vraiment compte de la responsabilité qu'on prend quand on adopte ou quand on prend un animal chez soi. C'est important. Bien sûr, faut réfléchir à tout s'il y a la possibilité d'accueillir, donc par la suite, voilà, par exemple le déménagement, faut avoir la place, faut avoir le temps, l'argent, voilà, faut vraiment voir dans le futur, faut pas se dire voilà, je vais craquer, ce petit lapin il est trop mignon. Voilà, et puis dans 2 ans se dire ah ben non, je peux plus, ma petite fille ou mon petit-fils peut plus s'en occuper, moi je peux pas m'en occuper non plus, donc je vais le céder. Non, encore une fois, c'est un manque de responsabilisation des gens. Oui. Et nous sommes les champions des abandons, les Français. Ah bon ? Oui, tout à fait. Oui, oui. Nous sommes les champions tous les ans. C'est une catastrophe au niveau des abandons. Ça devrait être plus régularisé, tout ça, pour éviter ce genre de choses, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que ça arrive qu'on vous appelle justement pour que vous veniez en aide à un animal ou une personne qui peut plus s'en occuper ? Ils vous appellent directement ? Comment ça se passe ? Bien sûr, ouais. Bah, ils nous prennent contact soit au niveau du téléphone associatif, soit on a plusieurs moyens. Mmh. On a Facebook, on a mail. Là, récemment, on a fait Instagram. Voilà, on essaie de se dispatcher un peu les réseaux sociaux et puis le téléphone associatif pour avoir un maximum de suivi. Et voilà, les gens nous contactent, nous expliquent le cas. Donc, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, plus ou moins sympathique. Oui. Voilà, il y a certaines personnes qui vont expliquer le cas calmement, ils sont un petit peu dans la galère. Voilà, ils nous expliquent ce qui se passe, pourquoi, quand. Et il y a les autres où il faut venir tout de suite maintenant et ils ne cherchent pas à comprendre si on ne peut pas. D'accord. Voilà, comme je disais, on travaille en famille d'accueil. Si on n'a plus de place, on n'a plus de place malheureusement. D'accord. Il faut se résigner et dire, bon ben voilà, on ne peut plus accueillir, c'est pour le bien-être de nos animaux, on ne veut pas faire une surcharge dans une famille d'accueil, c'est pas le but. Ok. Et du coup, ces personnes ne sont pas forcément agréables et ne comprennent pas forcément le besoin de famille d'accueil. Et ces personnes-là ne cherchent pas de solution. C'est tout de suite maintenant, je veux vous le placer. D'accord. Voilà. Donc, il faut garder son sang-froid, expliquer longuement, parfois. Et bon, voilà, le dialogue passe pas forcément, mais on fait de notre mieux. Eh bien, j'imagine. Bon, il faut quand même... Donc là, vous faites vraiment appel à des familles d'accueil pour placer dans l'attente d'une adoption les animaux que vous recueillez. Oui, tout à fait. Vous choisissez ces familles d'accueil ou vous en cherchez de façon permanente ? On en cherche de façon permanente et on rencontre quand même la famille d'accueil ainsi que son domicile. Oui. Comme ça, ça nous permet d'analyser, entre guillemets, et de voir ensemble quelle est la capacité d'accueil. Par exemple, on a eu des familles d'accueil, enfin des propositions de familles d'accueil, où ils voulaient 4-5 chats pour nous aider. Sauf que quand on arrive sur le terrain, quand on arrive chez les gens, on voit que c'est un appartement tout petit, donc on essaie de les dire, on dit voilà, 3, 4, 5, ça va être compliqué, prenez-en un, voire deux, quand on est en cas d'urgence, et dès qu'on peut leur placer, hop, on leur place. Oui. Mais c'est pas le but, la surcharge, c'est pas le but non plus. Oui. Surtout qu'il y a une mise de quarantaine, les animaux errants sont pas forcément sains. D'accord. Ils peuvent être sains sur le coup, mais avoir certaines choses, par exemple dans le pelage, ou déclencher un coryza par la suite... Voilà. D'accord. Donc ça devient vite compliqué s'ils sont 3, 4, voire 5. Bah oui, c'est sûr, il faut rester raisonnable pour le bien-être, encore une fois, de voilà. ces animaux. Quand on est famille d'accueil et qu'on prend en charge un animal, est-ce que c'est à notre charge pour les soins, la nourriture, ou est-ce que c'est pris en charge par l'association ou autre? Alors, tout est pris en charge par l'association, d'accord. essentiellement les soins vétérinaires. On fait des récoltes de dons justement pour subvenir aux besoins des familles d'accueil. C'est un échange de bons procédés. Vous accueillez oui. l'animal chez vous le temps que vous pouvez oui. et jusqu'à adoption. Oui. Et nous, en contrepartie, on donne croquettes, litières, voilà. Voilà. Ce qu'on peut, ce qu'on a récolté précédemment. D'accord, l'information est importante pour ceux qui nous oui. écoutent. Combien d'adoptions depuis la création, donc depuis 3 ans, combien d'adoptions ont pu être effectuées? Oula, exactement, parce que cette semaine, ça a été aussi une bonne semaine d'adoption. D'accord. Mais exactement, moi je vous dirais environ 250. Ah oui. Ah oui, voilà. Quand même. Oui. Ok. Mmh. Zara no, Zara no, Luca Panama, Zemati. Donc on est avec Lolita Aletti, donc présidente de l'association Protect Réa. Aujourd'hui, eh bien, on vous parle un petit peu de cette association et surtout d'un vide-grenier qui va être organisé prochainement. Ça se passe le 15 septembre au TIO, c'est ça? Oui, tout à fait, donc, à l'école primaire Jules Ferry. D'accord, donc là c'est justement le moment de venir sur place. Est-ce qu'on pourra parler avec des membres de l'association pour une sensibilisation, une explication sur les gestes et ce qu'il faut faire? Ça c'est important. Oui, bien sûr, pas de souci, on sera là. D'accord, alors ça se passe de quelle heure à quelle heure? Alors, pour les exposants, ça sera environ 6h jusqu'à 18h. D'accord. Voilà, ils peuvent venir avant, il n'y a pas de souci. Oui. Et sinon, visiteurs, ça sera environ 7h. D'accord. Pareil, il y a des matinales, voilà. Oui. On respecte. Normal. Pas de souci. Donc, j'imagine que les fonds qui sont récoltés à ce moment-là vont directement à l'association pour toujours aider les animaux et leur prise en charge. Bah, payer essentiellement les frais vétérinaires. Oui. Étant donné qu'on n'a pas de refuge, on n'a pas de charge variable ou fixe. Oui. C'est essentiel, enfin variable si c'est le vétérinaire. Bah oui, oui, oui. Et voilà, c'est essentiellement pour payer nos factures vétérinaires. Bah là, dernièrement, on a eu une facture de 1 200 €. Ouh, voilà. D'accord. Oui, ça chiffre très vite. Les gens, pareil, n'ont pas conscience qu'il y a des frais derrière. Eh ben oui. Certaines personnes comprennent pas qu'il y a des frais d'adoption. Ah oui. Donc on leur explique encore une fois que voilà, c'est pour rembourser les frais vétérinaires engagés par l'association. Oui. Mais ça devient vite compliqué. C'est sûr. Surtout quand on n'est pas subventionné. Cette année, on a eu 300 € de la mairie du TIO. D'accord. Voilà. Okay. Mais c'est vrai que 300 €, ça fait 3 prises en charge. Oui, ça fait un peu. Voilà. Ça fait un peu c'est juste. Voilà. Est-ce qu'il y a des partenariats qui ont pu être montés avec votre association justement pour récolter d'autres fonds ou alors c'est toujours en cours? Oui. Alors en 2017, on avait passé une convention de partenariat avec la mairie de Rue-sur-Moselle. Oui. Et entre-temps, il y a une autre association qui a été créée début 2018. D'accord. Et voilà. Donc du coup, ils ont résilié notre contrat et ont travaillé, ce qui est normal, avec l'association de leur commune. D'accord. Ok. Voilà. Donc il y avait. Sinon voilà. Oui. Il y avait un projet à long terme, celui de monter un refuge. Oui. Est-ce qu'un jour, ça sera possible de concrétiser ce projet? Si par la suite, les mairies, la Comcom, même l'État nous le permet, oui. Il y aura, c'est encore un problème financier, mais à long terme, il y a possibilité. D'accord. Il me semble qu'une cagnotte litchi est en cours en ce moment? Oui, tout à fait. On essaye, d'essayer de rentrer de l'argent. Ce qui est compliqué en cette période. Tout le monde rentre de vacances, il y a la rentrée qui arrive. Eh ben oui. C'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, voilà. On pense quand même on essaye. À nos amis, les animaux. Oui. Il y aura aussi un loto qui sera organisé à la fin de l'année? Oui, tout à fait, le 9 novembre. Ok. Pareil, au TIO, à la médiathèque. D'accord. C'est le troisième, là, cette fois-ci? Oui, tout à fait. Est-ce que ça fonctionne bien? Les gens sont sensibles à la cause et viennent sur place? Oui. Il y a une partie qui est essentiellement sensible à la cause, oui. Et il y a l'autre partie où c'est les fanas des lotos. D'accord. Il n'y a pas de souci, ils viennent essentiellement pour le loto, pour le jeu, mais il y en a d'autres qui sont énormément intéressés, qui viennent nous poser des questions, Ah bah c'est super, il en oui. faut. Oui. Donc on peut retrouver vous et votre association sur Facebook, un site internet aussi? Oui, alors www. Oui. protect-du6rea.fr. Ok, on remettra tout ça en lien avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a encore un mot à dire pour les auditeurs qui nous écoutent? Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On compte sur vous pour des familles d'accueil, des bénévoles. Voilà, on manque sans arrêt de bras. Oui. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations, des conseils. on est là. Eh ben c'est super. Merci beaucoup Lolita d'avoir répondu à mes questions d'aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bonnes choses, vous, les bénévoles, l'association et surtout tous les animaux que vous prenez en charge. Hein. Pour nos auditeurs, faites bien attention à nos amis et puis encore une fois, réfléchissez bien à tout ce que ça engage parce que voilà, ce ne sont pas des peluches, des cadeaux ou voilà, ce sont des êtres vivants comme nous et ils ont le droit à être traités avec respect. Ces animaux. Voilà. Tout à fait. merci à vous. Merci beaucoup, bonne Lolita. Journée. Très bonne journée à vous et puis pour merci nos auditeurs. Également. C'est comme tous les jours, bonheur, joie et rire à tous.